بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس السادس بعد المئة، 106 درس، 106 لسون. قال في السؤال السابع والعشرين بعد 800، 827 question، ما هو مفتاح الصلاة؟ كي لا شوس كيو لا صلاة. En premier lieu, c'est الطهور، le fait d'être en état de purification. قال في السؤال الثامن وعشرين بعد 800، 828 question، quel est son tahrim, c'est-à-dire la chose qui fasse que lorsque tu es rentré dedans, la salat elle a débuté et tu ne peux en sortir. C'est le takbir, qu'on appelle takbirat al-ihram, le premier takbir que l'on fait en levant les mains, à voix haute. ثم قال ما هو تحليلها في السؤال التاسع وعشرين بعد 800، 829 question. C'est quoi son tahlil, le fait qu'elle est finie, comment est-ce qu'on l'achève? D'accord, on clôture cette salat-là. C'est par le taslim, le fait de dire assalamu alaykum. D'accord, du côté droit en premier, puis du gauche. Et les ulama, ils ont divergé par rapport à celui-là. Et en réalité, ils disent que le taslim, le réel taslim qui est un pilier de la salat et par lequel la salat s'achève, c'est le premier. Le deuxième, ils disent qu'il est surrogatoire. C'est-à-dire que quelqu'un dirait une seule fois salam alaykum sur le côté droit, sa salat elle est finie et il peut s'arrêter là. Et le dalil de tout ce que vient de citer là, de ces trois questions, c'est le hadith de Ali radiallahu anhu, qu'al Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam miftahu salat al-tuhur wa tahrimuha al-takbir wa tahliluha al-taslim, apporté par al-Tirmidhi et authentifié par al-Albani rahimahullah ta'ala. ثم قال في السؤال الثلاثين بعد 800، 830 question، ماذا يفعل المصلي حين يكبر؟ Que fait celui qui accomplit la salat au moment où il fait le takbir? Qu'est-ce qu'il fait? قال يرفع يديه إلى حذو منكبيه، qui lève ses mains à hauteur des épaules. Ses deux mains, il les lève à hauteur des épaules. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. Qu'il a dit Ibn Omar رضي الله عنهما، j'ai vu le Nabi صلى الله عليه وسلم، le prophète صلى الله عليه وسلم، lorsqu'il accomplissait sa salat, qui levait ses mains jusqu'au niveau des épaules au moment où il faisait le takbir. D'accord, lorsqu'il disait Allahu Akbar. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Et quand est-ce qu'on voit ce que certaines personnes font, qui se touchent le lobe des oreilles, celle-ci n'a pas de preuve à l'appui authentique qu'il faille se le toucher le lobe des oreilles. D'accord, ce qui est demandé, c'est de lever les mains. Et cela à peu près au niveau des épaules. Non. ثم قال في السؤال الواحد وثلاثين بعد 800، 831 question. أين يضع المصلي يديه؟ Où est-ce que celui qui fait la salat pose ses mains durant la salat? Il dit qu'il pose sa main droite sur sa main gauche, au niveau de sa poitrine, ou alors son nombril. Et la chose, elle est large, c'est souple. Ce n'est pas obligatoire de faire comme un mshi qui soit à peu près sûr au niveau de ton torse. D'accord ? Entre le nombril et la poitrine. La main droite sur la main gauche. Et le dalil, c'est le hadith de Sahel ibn Sa'd. قال كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. Qu'il a dit qu'il nous a été ordonné que l'homme pose sa main droite sur sa main gauche lors de la salat. Et lorsqu'il dit l'homme, d'accord, ça c'est la générale, ça englobe également la femme. C'est-à-dire toute personne qui fait la salat doit faire de la sorte. Quant au fait de faire la salat les mains ballant, cela n'a aucune preuve à la base. Il n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. Quant à ceux qui attribuent cela à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, des ulama ont expliqué que l'imam Malik avait fait cela, non pas volontairement, mais du fait qu'il s'était fait frapper par le gouverneur pour des raisons de fatwa qui ne coordonnaient pas avec celle attendue par l'État. Il s'est fait torturer pour cela, et au point qu'il ne pouvait mettre sa main droite sur sa main gauche. Donc il a pris les mains ballants. C'est ce qui était raconté. Et quand bien même, les gens disent que Malik a fait cela, dans son livre El Muwatta, il cite le hadith, et il voit l'obligation de poser la main droite sur la main gauche. C'est-à-dire que même les gens qui se disent malikites, qui font cela, n'ont pas compris l'avis de l'imam Malik par rapport à cela, qui est en concordance avec la sunna. Non, et ça c'est parmi les, malheureusement, les mauvaises conséquences du taqlid, du suivi aveugle, sans suivre le dalil. ثم قال في السؤال الثاني وثلاثين بعد 800، 332e question. Maza yaf'alu ba'd takbirat al-ihram? Qu'est-ce qu'il fait après avoir dit Allahu Akbar, le premier takbir? Yaqra du'a al-istiftah. Il fait le du'a al-istiftah, c'est-à-dire le du'a que l'on fait pour débuter la salat à voix basse. Thumma qala fi as-su'al ath-thalith wa 33e question. Uzkur du'a min ad'iya al-istiftah. Et donc il a dit cite l'une de ces invocations que l'on puisse faire. Il y en a plusieurs. Mais la plus authentique, c'est ce qui est rapporté par Abu Huraira, qui est muttafaqun alayhi. Qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kabbara fi as-salat sakata Hunayha. Hunayha qabla an yaqra, fa qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ra'aita sukutaka bayn at-takbir wal qira'a madha taqul? Que Abu Huraira, il a dit qu'il l'a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire le takbir et qu'il s'est tué un instant. Il ne parlait pas. Donc il l'a interrogé par rapport à ce silence. Et le Nabi sallam, il a dit « Aqul Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqa al-thub al-abyad min al-danas. Allahumma yaghsilni min khatayaya bi-thalj wal-ma wal-barad. » Qu'il est dit, dans le sens, c'est-à-dire en fait l'invocation doit la faire à la base en arabe. Après celui qui ne peut vraiment pas la faire, les ulama disent qu'il est permis pour celui qui ne peut pas parler l'arabe, qui ne connaît pas du tout la chose, qui n'arrive pas à la prononcer, il peut invoquer dans sa langue. Qu'il dit « Oh Allah, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné entre l'Orient et l'Occident. Oh Allah, purifie-moi de mes péchés tout comme on purifie un vêtement blanc des souillures. Oh Allah, lave-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et les grelons. » Ah, ça takriban ma'ana, le sens approximatif de cette invocation. ثم قال في السؤال الرابع والثلاثين بعد 800 834e question. ماذا تقرأ بعد الاستفتاح؟ Qu'est-ce que l'on récite après avoir fait du'a al-istiftah? C'est-à-dire le du'a comme on le cite à l'instant. On fait l'isti'aza. L'isti'aza, c'est le fait de rechercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Que je recherche refuge auprès d'Allah du shaitan qui est lapidé. Et le dalil, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. في كتابه الكريم يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم que si jamais tu récites le Coran alors recherche refuge auprès d'Allah du shaitan qui est rajim qui est lapidé. Sourate al-Nahl, les abeilles, verset 98. Et cela est valable même lorsqu'on récite le Coran en dehors de la salat. Lors de la première récitation, on fait l'isti'aza. ثم قال في السؤال الخامس وثلاثين بعد 800 835e question. ماذا تقرأ بعد الاستعاذة؟ Maintenant, après que tu fais l'isti'aza, qu'est-ce que tu récites? On fait la basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ثم قال في السؤال السادس وثلاثين بعد 800 830e question. هل تكون الاستعاذة والبسملة سرا أو جهرا أم جهرا؟ Est-ce que cette basmala que l'on prononce se fait à voix haute ou à voix basse? Le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. L'authentique, c'est qu'elle se fait à voix basse. Elle se fait à voix basse. Il y a un khilaf, mais c'est ça l'authentique. Et les ulama eux-mêmes qui disent qu'on le fait à voix haute, eux-mêmes reconnaissent qu'il n'y a aucune preuve remontant au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le faisait, mais juste certains sahaba qui l'ont fait. Quoi qu'il en soit, selon le hadith de Anas ibn Malik, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفقون عليه. Qu'il disait que le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que Abu Bakr ainsi que Omar et dans une version aussi Othman qui a fait salat derrière eux qu'ils ouvraient la salat, c'est-à-dire qu'on les entendait dire à partir de الحمد لله رب العالمين le début de la Fatiha. On n'entendait pas la basmala. D'accord, il disait bien qu'il n'y a aucun d'entre eux qui prononçait la basmala à voix haute. Donc ce hadith là est ce qu'il y a de plus fort. C'est ce qu'il y a de plus fort. فَعَذَا الَّذِي رَضْنَا الْيَوْمِ On va se contenter de cela. On a coulé. Alhamdulillah.